Galaxy Pop, la culture jusqu'au bout des ondes. Vous connaissez Sarah Connor ? Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Blindcast. Donc, comme les fois précédentes, je suis accompagné aujourd'hui de Sixties. Salut Sixties. Salut à tous. Et aujourd'hui, on va parler de films d'anticipation, de SF, tout ce qui se passe dans le futur, ou presque. Ou dans le futur de l'époque où c'est sorti, en tout cas. Qui n'est plus le futur aujourd'hui, du coup. Et ouais, et certains films ont pris un petit coup de vieux de ce côté-là. On a survécu à plusieurs apocalypses nucléaires, apparemment. Enfin bref, on en parlera en temps voulu. Donc, point de fioriture, et attaquons maintenant avec le premier titre. Normalement, celui-là, c'est cadeau. Donc là, sans surprise, vous avez reconnu Matrix. Donc Matrix, film de 1999, déjà, ça fait 25 ans. Et pan. Prends-toi ça dans les dents. De Lana et Lily Wachowski. Donc là, on a une musique, enfin un thème réalisé par Don Davis. qui est Man Title Trinity Infinity. Et donc, en fait, c'est tellement l'identité de Matrix. Il y a un côté hyper hyper opéra, en fait. Hein, c'est très très profond. En fait, il y a quelque chose de majestueux dans qui correspond exactement au thème, en fait, au thème développé dans les films Matrix, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'en 99, enfin, c'était un révolutionnaire. Enfin, c'est un film qui aujourd'hui n'a pas vieilli déjà. Enfin, penses que ça a vieilli, toi ? Ouais, dans les suites, oui. Voilà. Remarque, ça fait longtemps que je l'ai pas revu. En podcast, vous pouvez pas voir, mais j'étais en train de faire une grimace. Il y a certains effets spéciaux quand même de Matrix, plutôt 2 et 3 d'ailleurs, qui ont quand même mal vieilli. Hein. Les combats de masse entre Neo et plusieurs agents Smith, ça fait un peu PlayStation 2 quand même maintenant. Ça peut piquer un peu. Finalement, le 2 et le 3 sont sortis forcément après, et je trouve qu'ils ont moins de classe que le premier. C'est vrai que moi, le 2, j'ai moins aimé que le 1, et le 3, j'ai vraiment pas aimé du tout. Bah, disons qu'ils vieillissent moins bien. Voilà. Ça, dit. Le 1 se suffit à lui-même. Exactement. Mais c'est vrai qu'à l'époque de la sortie de Matrix, on était quand même sur une grosse, grosse révolution avec un film qui mélange à la fois le fantasme de la réalité virtuelle, hein, on est quand même très très loin du Cobaye, par exemple, pour citer un film qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Oui. Et à la fois, on mélange la réalité virtuelle, on mélange les films de kung-fu asiatiques. On n'avait jamais vu ça à l'époque dans le cinéma américain, bien sûr. Oui, c'est vrai. Le cinéma de HK est quand même là depuis un certain temps. Et on mélange tout ça, on secoue vigoureusement, on saupoudre d'une petite musique mi-technologie, mi-opératique, et hop, on arrive à un résultat qui sur le papier peut paraître un peu bancal, et en fait, sur Péloche, c'est l'équilibre quasi parfait et instantanément, quoi. Et d'ailleurs, là c'est le thème, mais toute la BO, elle est incroyable. On a du Rammstein, on a des groupes de métal, d'électro, enfin c'est assez, pour l'époque, c'est quand même un gros blockbuster de l'époque qui reste quand même un classique aujourd'hui, quoi. Ouais, et c'est vrai que pour reprendre l'idée de soundtrack, justement, avec tous ces groupes de rock et de métal, à peu près dans ces eaux-là, dans les années 90, les autres BO qui pouvaient rivaliser avec Matrix, c'est les BO des films The Crow, pour moi, qui sont très, justement, rock et métal. C'est pas quelque chose qu'on entendait souvent, et c'est quand même très, très connoté, on va dire, ambiance un peu underground. Oui. Enfin, underground dans le niveau d'un film de studio. Oui, ça fait le dark, le dark ciné pour le coup. Ouais, en quelque sorte, c'est vrai. Donc, écoutez, on va passer à l'extrait numéro 2. Pas d'indice cette fois pour l'extrait numéro 2, on les laisse galérer ? Ouais, bah franchement, celui-là, pas d'indice, non. Allez, démerdez-vous, vous allez voir, celui-là aussi, c'est cadeau. Thank you. Alors là, on est pareil dans un bon blockbuster de l'époque, hein, Terminator 2. Terminator 2, 1991, réalisé par James Cameron. Donc là, nous avons le main theme réalisé par Brad Fiddle. Une musique, pareil, hyper reconnaissable. Iconique. Iconique, oui, on peut dire iconique. Pareil, là, on est dans une trilogie, voire il n'y en a pas eu un quatrième, là, Terminator t'étais vachement en retard, parce qu'on a eu Terminator 3, Rise of the Machine, il y a eu Terminator Renaissance, Terminator Genesis, Terminator Dark Fate, ça en fait 6 ou 7 déjà. Oui, mais c'est vrai que les 3 premiers, ils se sont quand même assez suivis dans le temps. Le quatrième, il était vachement plus tard, non? Non, le quatrième, ça va, c'est 5 et 6 qui ont pris leur temps pour arriver, mais bon, de toute façon... J'ai loupé Renaissance. J'ai loupé les 3 derniers en fait. Pour Terminator, on va s'arrêter à Terminator 1 et Terminator 2. Les plus déviants pourront prendre un petit plaisir avec le 3. Mm. Et on va s'arrêter là, charitablement. Voilà. En tout cas, le 2, moi c'est un de mes préférés avec le 1. Enfin, les deux sont presque à égalité quoi. Et donc là, on a quelque chose d'assez souterrain, d'assez. Quand on entend, déjà, on se croit dans une usine désaffectée, dans un espèce de grand terrain vague. C'est extrêmement martial, et moi je trouve que dès qu'on entend ces thèmes-là, on repense à la première scène de Terminator, on voit les robots marcher sur des crânes, on a directement l'iconographie de Terminator avec cette musique. Oui, exactement, et on a ce côté métal en fait, métal, j'entends matériaux. Dans la musique, il y a un côté de caisson qui tape sur du métal. Enfin, il y a vraiment cette idée de machine. C'est hyper bien retranscrit, ouais, tout à fait. Et pour parler un peu plus du film, je pense que tout le monde a vu Terminator 2. On est au niveau du chef-d'œuvre. Oui. On dépasse largement le premier. Oui. Il est question cette fois, non pas de réalité virtuelle, mais plutôt d'intelligence artificielle et de voyage dans le temps, encore une fois, même si le voyage dans le temps, c'est vraiment ultra facultatif dans Terminator 2. Oui, c'est sûr. Mais on est quand même sur un film qui serait dommage de ne pas avoir vu à notre époque, hein, parce que Skynet, je voudrais pas vous faire peur, mais on y arrive. Et puis Schwarzenegger. Schwarzenegger, ouais. C'est vrai que c'est moins connoté que Keanu Reeves dans Matrix. Enfin, il y a une espèce d'icône comme ça. Schwarzy, c'est... Schwarzy, c'est Terminator. C'est Terminator. Quand on pense à Schwarzy, on pense pas à Commando ou à ce genre de navet. Moi, je pense à Total Recall aussi, Schwarzy, quand même. Aussi. Non, mais la pique sur Commando, c'était gratos. Hein. Petit clin d'œil. Et oui, effectivement, on a quand même Schwarzenegger qui est à son meilleur quasiment dans celui-là, sauf comme toujours avec lui quand il sourit. Mais sinon, ça marche. Mais il sourit pas trop dans Terminator. Dans Terminator 2, si, il essaye de lui apprendre à sourire justement cool. Oui. Et justement, il en joue et ça marche plutôt bien. Terminator 2 marche plutôt bien. C'est vrai que c'est bien, ouais, tout à fait. Donc là, on va enchaîner avec la chanson numéro 3. Petit indice. Démerdez-vous aussi. Ah, elle est pas sympa parce que là, franchement, il y a de quoi vous donner un indice quand même. C'est pas si simple. Disons que le film est sorti le même jour que mon anniversaire. Avec ça, démerdez-vous. Et voilà. Bon, je pense quand même que vous aurez reconnu assez facilement ce qui est un des plus grands films d'anticipation de ces dernières années, de ces presque 10 dernières années, ou 7 ou 8, enfin, ça commence à faire un moment quand même. Bref, vous aurez reconnu Mad Max Fury Road. Enfin, j'espère que vous l'aurez reconnu, en tout cas. Et si vous ne l'avez pas vu, bah, foncez le voir, parce que vraiment... Bah, Mad Max Fury Road, ah oui, déjà, on va le dire, ça a été composé par Junkie XL, qui est un artiste électro assez couru et noté, et bien noté, on va dire, par les studios. Le film date de 2015, donc effectivement, ça fait 9 ans qu'il est sorti. Mm-hmm. Ça fait un petit coup de vieux, hein, j'avais l'impression que c'était hier, et puis non. C'est la dernière fois que t'allais au cinéma, non? Ouais, c'est la dernière fois que j'allais au cinéma, et à l'époque, j'avais 30 ans. Et ça pique. Bref, réalisé par George Miller, le réalisateur de Mad Max 1, 2 et 3, et de Babe le cochon, pour ceux qui l'ignoreraient. Ça fait un écart, hein. Et peut-être pas tant que ça. Enfin bon, ça c'est une autre histoire, on va pas parler de Babe aujourd'hui, peut-être qu'on le fera avec les enfants une autre fois. Et en tout cas, bah, Mad Max Fury Road, ça a été une claque tant visuelle que sonore, et vraiment, on va pas s'embêter à le résumer, parce qu'en fait, Mad Max c'est « je pars du point A au point B, puis je reviens au point A ». Voilà, c'est quand même extrêmement simple, c'est une course-poursuite de 2 heures, mais putain, visuellement, j'ai jamais vu ça. Et je pense que c'est pas le film Borderland qui pourra rivaliser avec. Tu l'as vu, toi, 60s, Fury Road ? Non, j'ai vu des morceaux comme ça. Bon, effectivement, comme tu dis, c'est une course de bagnole, quoi, tout le film. Hein. Mais en fait, moi, par rapport au thème... je trouve que là, pour le coup, le thème, il est hyper bien raccord avec le visuel, parce que dans le visuel, on a des couleurs hyper saturées, ce bleu cyan, ce jaune un peu sépia, enfin, c'est hyper esthétique. Et en fait, dans la musique, on a du coup quelque chose d'hyper lourd, d'hyper tragique, et on a des sons hyper saturés aussi. Et du coup, voilà, ça fait vraiment écho à ce qu'on voit avec toute cette poussière-là qu'on voit... Enfin, c'est une beauté, quoi. Enfin, du coup, j'aimerais bien le voir en entier un jour. Le film est vraiment extrêmement beau. Il est très, très plastique. Enfin, visuellement, c'est des tableaux quasiment à chaque plan. Oui. Et d'ailleurs, j'ai pas le souvenir dans les premiers Mad Max, c'était avec Mel Gibson. Il n'y avait pas du tout cette esthétique, en fait. Alors non, il n'y avait pas cette esthétique, mais il y avait déjà une volonté désertique et il y a une esthétique assez marquée dans le 2 et le 3. Mais c'était pas la même que celle-là. Là, il a vraiment surexploité les capacités de sa pellicule et des lumières. Il s'est vraiment éclaté avec les lumières et les couleurs. Ah oui, là, c'est vraiment beau. Hein. Tout à fait. Et puis, il y a Charlize Theron aussi. J'ai aperçu quelques... Ouais, bah oui, Charlize Theron dans le rôle de Furiosa. Ouais. Et Tom Hardy dans le rôle de Max. Ouais. Ce qui surprend un peu au début, mais finalement, on s'habitue. Et ben voilà. C'est tout pour Mad Max Fury Road, maintenant on va passer au quatrième. Alors j'espère que devant vous, vous avez à peu près 8 minutes, parce que j'adore ce thème, mais il dure assez longtemps. Et logiquement, bien qu'on ait passé les 3 premiers, vous devriez le reconnaître quand même si vous êtes à peu près de notre génération. Sinon... Ah, tu donnes pas d'indice non plus en fait. Ça va peut-être être un peu plus dur. Allez, bon courage et on se retrouve dans 10 minutes. Voilà, donc vous aurez sans doute reconnu le thème de Robocop par Basil Poledouris. Donc Robocop, c'est Paul Verhoeven, 1987. Verhoeven, qui n'est pas spécialement connu pour sa retenue et sa délicatesse, nous offre un film avec un futur pourri, corrompu, sale, et un héros à la figure quasi christique. Rien que ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? On a une bonne grosse critique des médias dans les règles de l'art, une critique des... comment on pourrait appeler ça ? De la médecine business, grosso modo, hein. Donc il tape quand même assez large, il ratisse assez large, et il se fait bien plaisir avec les plans plutôt violents. On se souvient tous du mec recouvert d'acide qui explose en se prenant une voiture dans la gueule, ou du calvaire, justement, de Murphy. Et je trouve que la musique, pour le coup, comment dire... Et ben en fait, elle tranche vachement avec ça, voilà. On n'est pas du tout dans un truc sale, on n'est pas du tout dans un truc poisseux, on est dans quelque chose qui est quasiment épique, qui est grandiose, qui est grandiloquent, qui est opératique. Mmh. Et ben malgré tout, enfin pas malgré tout, non, justement, grâce à cette musique, l'arrivée de Robocop sur cette musique-là précisément, ça en fait quasiment instantanément une icône. Et encore une fois, bah, si vous n'avez pas vu Robocop, moi je ne peux que vous conseiller. Le premier Robocop de Verhoeven. Pour le 2, j'émettrai quelques réserves qui me vaudront sans doute de me faire engueuler, mais je trouve que Frank Miller est quand même un gros goré qui sait pas écrire. C'est de quelle année Robocop ? Robocop 87. Ah oui, d'accord, oui. J'allais dire au niveau du, bah, du visuel du robot, il fait vachement ringard en fait. Bah, il s'est voulu que le visuel du robot fasse un peu ringard, fasse massif, fasse. Et en même temps minimaliste, parce que. C'est quasiment un chevalier au final. Oui. Hein. C'est, comme c'est s'il avait un home, ouais, c'est ça. Et c'est un petit peu voulu, vous aussi, pour l'opposer dans le film à d'autres robots plus évolués, mais qui ne sauront pas, par exemple, descendre un escalier. Et comme je vous le disais, bah, le 2, je pourrais pas le conseiller vraiment, le 2. Vraiment, pour moi, Miller est un goré, et je trouve que le 2 nous crie vraiment au visage. Vous avez vu, je suis rebelle, je suis vilain, et alors qu'en fait, bullshit. Le 3, je ne vais pas vraiment le conseiller non plus, parce qu'ils ont voulu ratisser un public familial, donc ça marche un petit peu moins bien. Quant au remake, eh ben, il vaut ce qu'il vaut. Moi, je le déteste pas, mais ouais, je ne vais pas courir après non plus. Donc, 60s de mémoire, Robocop, pas vu non plus. Non, pas Robocop, non. Verhoeven, je me suis arrêté à Total Recall, moi. Et dont on parlait tout à l'heure avec Schwarzy, justement. Exactement. Schwarzy qui se retire une énorme crotte de nez dans Total Recall. Oui, énorme, et tout à fait. Voilà, et bien sur ces bonnes considérations, je pense qu'on va pouvoir embrayer avec le suivant. Alors là, je peux donner un petit indice ? Ouais, tu peux donner un indice. Parce que ça commence à devenir un peu complexe, ouais, peut-être. Je pense que là, ça peut aider, même si celui-ci, on en a déjà parlé. Donc, si je peux donner un indice pour le cinquième extrait, on était dans l'anticipation, et c'est d'actualité aujourd'hui. We'll be right back. Donc là, on a un film, on va dire, fétiche. Alors là, pour le coup, d'anticipation, parce que c'est un film de 1973, Soleil Vert, ou Silent Green, hein, comme on veut. Donc, réalisé par Richard Fletcher. Et donc, voilà, donc ça se déroule en 2022 dans le film. Donc là, pour le coup, c'était il y a 2 ans. Et quand, pour le coup, celui-là, au niveau de la musique, puisque c'est le thème un peu de notre blindcast, c'est très jazzy, en fait. C'est très jazzy, c'est limite si on n'est pas dans... Ma sorcière bien-aimée, Petite maison dans la prairie. Enfin, si, il y a un côté hyper léger, hyper comptine, hyper un peu frais comme ça. Alors que le film, il est d'une lourdeur. Et d'une poisseur aussi. Et d'une poisseur. C'est tout le temps dans la fumée. Sauf, effectivement, quand ils sont les riches. Hein, les riches qui ont de l'argent, qui peuvent se payer des superbes appartes, tandis que les pauvres vont chercher à bouffer dans la poussière. Et qu'est-ce qu'ils bouffent d'ailleurs? Oui, qu'est-ce qu'ils mangent dans Soleil Vert? Qu'est-ce qu'ils mangent? Alors, on va pas spoiler. Hein. Non, mais ils mangent du Soleil Vert, justement. Voilà. Et c'est marrant, c'est que moi, Soleil Vert me fait beaucoup penser, dans sa représentation sociale, sociétale plutôt, pardon, au film Rollerball, où on voit vraiment que dans Rollerball, les superstars vivent vraiment dans des immeubles, dans des beaux appartements. Hyper clean. Hyper clean, avec des femmes qui sont considérées... Enfin, d'ailleurs, ils ne sont pas considérées. Les femmes, c'est du mobilier dans l'appartement, ça va avec. Exactement. Et je trouve vraiment que Soleil Vert a cette même approche sociétale. Exactement. Hyper misogyne, hyper... oui, la femme est là pour... comme à l'ancienne, hein, elle est là pour servir. C'est un peu la potiche de service. Et effectivement, quand on est dans l'univers il y a ce contraste en fait des gueux et de la classe, la haute classe qui peut se payer un steak haché. Un steak, ne serait-ce qu'un steak. Un steak, pardon, pas haché. Normalement, le héros quand même, qui est Charlton Heston, qui est un flic, donc normalement un fonctionnaire assez bien rémunéré entre guillemets quand même, parce qu'on voit bien qu'il crève quand même la dalle. Le jour où il ramène un steak avec son coloc, ils sont ébahis de dire putain. T'as un steak, quoi. Bah là, il y a cette scène où ils sont dans l'appartement du vieux, là. Et ah non, c'est l'appartement de... Oui, pardon, c'est l'appartement de Charlton Heston. Et c'est lui qui héberge le vieux dans son appart. Oui, c'est ça. Et en fait, on a cette ambiance avec une petite loupiote, enfin, juste une ampoule. C'est limite un clair-obscur. Il faut qu'il pédale pour avoir de la lumière. Oui, ça fait le clair-obscur. Il y a ce contraste. Et ensuite, on a cette vision de l'appartement... hyper épuré, immense loft avec une déco années 70, hein, forcément. Minimaliste d'ailleurs, il n'y a quasiment hyper rien. Hyper minimaliste, il n'y a rien. Alors que l'appartement de l'enquêteur, lui, il est recouvert de papier, de livres. Il est en bois, il est rustique. Et l'autre côté, c'est hyper moderne, plastoc, etc. Et après, ça, cette population, on voit, hein, c'est dans la poussière, c'est le désert, c'est sec, c'est complètement. On sent le côté aride. Et je trouve que dans la musique, il y a ce contraste. On a envie de faire une farandole et le sujet est tellement lourd et tellement presque d'actualité en fait. Il y a certaines choses qui sont vraies aujourd'hui. Le fait de la côté canicule, aride, le côté climat déjà. Ne serait-ce que la canicule, les gens ils sortent plus de chez eux parce qu'il fait trop chaud. Il n'y a plus rien qui pousse. Enfin, ouais. Ou alors ça pousse, mais on est malade. Enfin, il y a tout un côté sociétal, climatique, environnemental et même politique qui est, franchement, on est quasiment dedans, quoi. Et en ça, pour moi, c'est un des films d'anticipation les plus remarquables les plus visionnaires. Parce que pour le coup, il a fait un bond de 73 et je crois que dans tous les films qu'on présente, c'est le plus vieux, d'ailleurs. Enfin, ça, on verra. Mais je crois que c'est le plus vieux. Et du coup, ça peut faire froid dans le dos. Donc, en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Et Même si on connaît quasiment tous le plot twist de Soleil Vert, hein, qui a déjà été révélé mille et une fois. Oui, mais on va quand même... Ça vaut quand même le coup de découvrir le film. Voilà, franchement, ça vaut le coup. Rien que pour... Et sincèrement, je trouve pas qu'il est... Alors, il a vieilli dans certains aspects, hein, bien sûr, parce qu'on avait que la technologie des années 70. Ouais, mais visuellement, il a pas vieilli du tout, parce qu'il joue sur aucun effet spéciaux physique, donc les matte painting fonctionnent. Quasiment tout fonctionne encore visuellement. Oui. Et thématiquement, comme tu l'as dit, on est en plein dedans. Oui, exactement. Donc, courez. Et du coup, on va enchaîner avec le 6. Allez, petit indice pour le 6, il fait froid. Donc là, vous avez reconnu ou pas Snowpiercer. Donc Snowpiercer, un film de 2013. Bah déjà, il a déjà plus de 10 ans, hein, ça passe vite. Non, mais si on dit ça à chaque fois, moi, ça me fait vraiment un coup de vue à chaque fois. On va arrêter de dire ça fait déjà 10 ans, ça fait déjà 9 ans, ça va, on a compris. Mais en même temps, c'était de l'anticipation, donc, donc il est sorti en 2013. Après, je ne sais plus en quelle année il se déroule, du coup. Je ne sais plus non plus, mais c'est pareil, c'était pas de l'anticipation à long terme. Hein. Donc là, c'est un film de Bong Joon-ho, donc qui a notamment aussi réalisé Parasite. Parasite qui a beaucoup marché. Sinon, avant ça, il y avait déjà The Host, qui était très bien. Et donc là, on a une musique. Alors moi, ça me ferait penser un peu à du zombie. Du coup, donc alors pardon, c'est This Is The End, Marco Beltrami, voilà. Et je trouve qu'il y a une ambiance un petit peu, d'ailleurs, que je trouve dans 28 jours plus tard, par exemple, ce côté un peu apocalyptique, fataliste, enfin, genre, c'est des choses qui vont mal se passer, quoi. En fait, Snowpiercer, c'est l'adaptation d'une bande dessinée franco-belge, déjà. Ce qui fait que Snowpiercer est un film franco-coréen-américain. C'est une coproduction. Et je crois que dedans, on a... c'est Ed Harris. Oui, c'est Ed Harris. Ouais. Alors, je ne dis pas où et quand, hein, parce que voilà. Mais voilà, ce film, Moi, il m'a vraiment marqué. C'est donc un huis clos. Hein. On est un huis clos. C'est un train qui tourne. Qui tourne autour du monde pendant un an. Il tourne sans cesse, quoi. Il tourne constamment, oui, c'est pas pendant un an. Il met un an à faire le tour du monde, par contre. Il met un an à faire le tour. C'est quelque chose d'assez linéaire, aussi. Oui, puis c'est aussi l'illustration visuelle de la lutte des classes, hein, très clairement. Oui. C'est la dernière classe contre la première classe tout le long du film. Voilà, et on a cette ascension, justement, des gens qui sont dans la dernière classe. C'est une ascension horizontale, pour le coup. Ouais. Voilà. Mais il y a des moi je trouve qu'il y a des scènes et des couleurs aussi dans ce film incroyable. Ah, le blanc de la neige est très beau. Bon, on le voit pas beaucoup au final, hein, le blanc de la neige, hein. Ouais, quand même. On est vachement on est plutôt dans les teintes métalliques du train, ouais. Et en fait, moi je me souviens de cette scène où on arrive à un moment donné dans une classe, parce qu'il y a un wagon, il y a des gosses, il y a une classe et là on est dans un univers hyper bonbon, hyper coloré. On se croirait un peu dans Charlie et la chocolaterie, hyper mignon, quoi. Et en fait c'est tout le contraste comme ça des classes, effectivement de l'univers où au tout début on est dans quelque chose de la clochardisation, quoi. On est dans la crasse au tout début, hein. et c'est assez on pourrait se dire, c'est un peu le déroulement, voilà, des années de son propre, sa propre évolution, son propre accomplissement. Et finalement, si on arrive à la fin, est-ce qu'on est content d'arriver à la fin et de découvrir finalement ce qu'il y a au bout? Et peut-être pas sûr au final. C'est un peu le message du film. Peut-être pourquoi aller voir ce qu'il y a de génial en haut. Ça se trouve, ils se font bien chier, en fait. Oui, mais ils peuvent pas aussi rester dans la crasse comme ils sont tout le long du train. C'est aussi l'idée du truc. Voilà, c'est de se sortir du caniveau, comme on dit. Hein, et puis, il y a vraiment une idée de cycle ouais. Pas vertueux, justement, de cercle vicieux où tu peux pas t'en sortir. Ceux qui sont en bas, faut qu'ils se battent pour monter en haut. Du coup, ceux qui sont en haut vont arriver en bas. Quelques temps plus tard, c'est eux qui vont se rebattre pour arriver en haut, et ainsi de suite. Ouais. Et avec cette idée de train qui fait le tour du monde, enfin, vraiment, on a une idée de cercle tout le long du film. C'est ça. En fait, c'est circulaire, c'est cyclique, et en même temps, il faut quand même avancer. Donc, en fait, c'est paradoxal parce que on tourne en rond, mais on avance quand même. Enfin, c'est hyper psycho et limite philosophique, quoi. Ouais. À côté de ça, on a des scènes complètement absurdes comme la bonne année, la scène de bonne année qui est absolument dingue. La petite trêve. Les mecs, ils sont en train de s'entretuer et d'un coup, ah, c'est la nouvelle année, bonne année, et hop, ils se réentretuent. Oui, moi aussi, ça m'a marqué cette scène, c'est hyper. C'est complètement dingue. En plus, on les voit s'arrêter et faire un décompte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et bonne année. Ah, ok. C'est loufoque. Ouais, ça devient. Absurde, là, c'est absurde. C'est totalement absurde. C'est absurde. Tout à fait. Donc, on va pouvoir enchaîner avec le septième extrait. Alors, alors moi, je vais donner un petit indice cette fois. J'allais donner l'indice. Alors, vas-y, donne un indice, j'écoute. J'allais dire, c'est le réal préféré de Nostal. Ouais, t'as qu'à carrément donner le titre, ça ira plus vite. J'allais vous dire, moi, que c'était un western, mais du coup, si vous connaissez mon réal préféré, vous savez qu'il ne fait quasiment que des westerns déguisés. Sur ce, je vous laisse écouter, on se retrouve juste après. Thank you. Et cette fois, il fallait évidemment reconnaître un film qui se passe dans le futur de 2013. Voilà. Donc, il fallait reconnaître Los Angeles 2013, donc de John Carpenter, ici à la musique, accompagné de Shirley Walker. Alors, Los Angeles 2013, c'est un petit peu à la fois une suite à New York 87, puisqu'on reprend le même personnage, mais c'est aussi un petit peu un remake, parce qu'on reprend quasi exactement la même histoire. Mais c'est aussi un petit peu « Je me fous de votre gueule » signé John Carpenter. C'est un petit peu tout ça à la fois. C'est un petit peu un western, c'est un petit peu un film d'évasion. C'est, je sais pas comment le qualifier plus, que c'est un gros foutoir dans lequel tout le monde s'est bien amusé apparemment. Et bah, la musique, moi je la trouve vraiment très très chouette. C'est une des meilleures BO de Carpenter à mon goût. Et bizarrement, c'est une des plus dures à trouver avec celle d'Invasion Los Angeles. Et pourtant, ce côté western, moi, je le trouve super bien. Je trouve qu'il colle terriblement au personnage de Snake Plissken, incarné par Kurt Russell. Et malgré tout, qu'il colle plutôt bien à l'environnement des pins, puisque même si c'est plus crasseux que futuriste, quand même, il y a vraiment un côté ville du Far West qui se dégage de ce truc-là. Et ouais, je sais pas quoi dire de plus sur Los Angeles 2013, que j'en ai déjà parlé assez souvent et assez longuement. Et au-delà de dire que le film est vraiment excellent et que... Bon, il y a quelques effets spéciaux ratés, mais franchement, si on s'arrête à ça, c'est vraiment pinaillé à côté du plaisir que peut procurer ce film et de l'immense plaisir que peut procurer sa fin, absolument sans aucune concession. Bon, Sexies, nous, on l'avait déjà vu ensemble, oui. Forcément, celui-là. Eh ben oui, je trouve que pour le coup, celui-là, la musique, même si... voilà, quand on écoute la musique, on est dans le western, on est dans le côté un peu duel, dualité, poussière. Ouais, le petit Bangkok. Jaune, enfin voilà, le côté sépia, crasseux, quoi. Et oui, moi, j'ai adoré. Bah, tu m'as fait découvrir l'univers de Carpenter. Bah, j'adhère complètement, quoi. Je comprends. Ah bah, on ne peut qu'aimer John Carpenter. C'est pas possible autrement, sinon faut pas avoir de goût. Même en tant que, d'ailleurs, musicien. Enfin, oui, comme même compositeur. En tant que musicien. Ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ce qu'il fait depuis presque 15 ans en termes de musique pure, c'est vraiment très, très agréable aussi. D'ailleurs, nos enfants sont 9 et 6 ans. Hein. Ils sont... on met dans la voiture. Ah, mais ça, c'est John Carpenter. Hein. Il est très... Oui. Alors, tout le monde le connaît dans la famille. Hein. C'est soit il se reconnaît très facilement, soit j'ai beaucoup écouté. Hein. C'est au choix. Enfin, ils n'ont pas confondu avec Jean-Michel Jarre, qu'on n'écoute pas d'ailleurs. Bah oui, c'est pour ça qu'ils risquent pas de confondre, du coup. Enfin voilà, donc encore un film qu'on vous enjoint vraiment à aller voir. Vous pouvez toujours aussi voir le premier, qui était New York 97, que beaucoup vont considérer comme meilleur, mais personnellement, j'ai ce petit goût du toujours plus et toujours plus loin de Carpenter, qui n'hésite pas d'ailleurs à la fin du film à envoyer chier tout le monde bien proprement. Et moi, j'aime bien les sales gosses. Et bah du coup, on va passer au film suivant. On pourrait vous donner un indice, effectivement, parce que là, ça va commencer à être un petit peu difficile, surtout que celui-là, il n'a pas bénéficié d'une énorme sortie salle, mais il est quand même sur Disney+. Alors, je vais voir si Sixties est plus sympa que moi, mais moi, je vous dirai rien. Bah, démerdez-vous aussi, non, je rigole. Moi, je vais pouvoir vous donner un indice, c'est qu'on ne peut pas arroser le jardin avec du Powerade. C'est marrant, j'y pensais quand même à ce genre d'indice. Bah voilà, bah, j'ai le même. Allez, on se retrouve après. Alors là, c'est vrai que la musique, elle aide pas forcément non plus si en plus on n'a pas vu le film. Enfin bon, c'est compliqué. Ah, on a été vicieux sur celui-là. Ouais, franchement, parce que. Et c'est pas fini. Donc là, on est sur le film Idiocratie, Planète stupide aussi. C'est deux titres. Donc là, c'est un film de 2006 de Mike Judge. Et là, on a une musique hyper country. À la fois qui est drôle, un peu con, qui s'appelle Bucaro de Théodore Shapiro. Et alors ce film, pareil, hein, je vais pas spoiler, mais on est aux États-Unis, il y a un mec qui se fait cryogéniser, on va dire. Un mec très moyen, c'est vraiment oui, le mec lambda, mec, voire lambda con, tu vois. Voilà, il est assez con, déjà pour le coup, oui, assez con, donc. En gros, il l'enferme dans une boîte pendant 500 ans. Et le cryogénise, ouais, pendant 500 ans. Pendant 500 ans. Et il se réveille, je crois, en 2500, quelque chose comme ça. Du coup, c'est en 2506, il me semble, parce que c'est vraiment 500 ans. Et quand il se réveille, il s'aperçoit que c'est le plus intelligent. Enfin, d'abord, il s'aperçoit que le monde autour de lui est vraiment complètement con. Mais d'une connerie infinie, quoi. Ah oui. Et que de ce fait, c'est lui le plus intelligent. Voilà. Et il y a des scènes absolument absurdes. D'ailleurs, il y a un gouvernement d'ailleurs dans ce film. Alors le président, c'est Terry Crews quand même. Voilà, quand même. Avec des cheveux longs. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est super drôle, c'est que, enfin super drôle ou pas, c'est que quand, en tout cas moi perso, j'ai vu le film il y a 3-4 ans. Déjà, ouais, 2-3 ans. 2-3 ouais, ans, peut-être. 2-3 ans. Et qu'on était à l'époque où on avait encore. Je vais pas citer son nom. La dinde de Marlène Schiappa. Voilà. J'allais pas dire dinde, mais j'allais dire juste Marlène Schiappa. Pardon pour les dindes. Et en fait, on a un petit peu. C'est pas énorme dans le truc, mais on a un gouvernement avec une femme. Et étrangement, il ressemble beaucoup. Il ressemblait beaucoup à l'époque au gouvernement, avec Marlène Schiappa, il y avait Édouard Philippe, Il y a une des ministres qui ressemblait beaucoup, enfin du film, qui ressemblait beaucoup à Marlène Schiappa. Ouais. Exactement. Et on était dans cet univers un peu... même le gouvernement, ils étaient complètement, complètement idiots, quoi. Ah oui, ils sont complètement débiles. La peine de mort par stock car, je crois. Oui, et puis arroser les champs avec, effectivement, comme tu le disais dans l'indice, avec Powerade. Du Powerade, qu'on pourrait comparer à du Coca, quoi, ou du Red Bull, Du en Red fait, Bull, hein. Plutôt. Et après, plutôt. Il s'étonnait que ça marche, je sais pas. Il s'étonnait que rien ne poussait. Et d'ailleurs, dans cette scène où on voit ce champ... qui ne pousse pas, en fait. Et bien là, on avait ce petit clin d'œil pour revenir à Soleil Vert. On avait des petites références comme ça de... je pense que c'est pas anodin. C'est possible que ce soit pas anodin, oui. Et bien sûr, on a un climat déplorable hein, dans le film d'Idiocratie. Oui, il y a tellement de pollution qu'ils ne voient plus à 100 ou 200 mètres, un truc comme ça, exactement. Parce qu'ils vivent dans des monceaux d'ordures, puisque plus personne ne les enlève. Enfin, oui. C'est vraiment le... on va dire le planète stupide, quoi. Il y a pas d'autre. Voilà. Ils sont stupides et fainéants. Ils bougent pas de leur chaise, leur canapé, en fait, il est percé pour qu'ils puissent chier en regardant la télé. Ouais, c'est vraiment. Et en fait, il y a une deuxième lecture aussi, c'est-à-dire que en fait, il y a comme des faux scientifiques là, des faux ethnologues en fait qui racontent que plus les gens sont bêtes et plus ils font d'enfants, et comme ils sont bêtes et que leurs enfants sont bêtes aussi, du coup la population de gens bêtes est majoritaire par rapport aux gens qui sont extrêmement intelligents et qui deviennent rares du coup, et qui, eux, puisque ne eux ne font pas d'enfants. Donc c'est un peu le nombre comme ça, et qui fait que tout le monde, c'est la planète qui idiote entièrement, quoi. Et l'intelligence est en voie de disparition. Et ce film est à la fois très très drôle et très très inquiétant. Oui, oui, parce qu'il y a un côté, même dans la musique, hein, elle est hyper country, on a l'impression qu'on va s'éclater, enfin voilà, qu'il y a quelque chose d'hyper festif. Et en fait, la deuxième lecture, elle est hyper lourde. Et on rit, mais c'est un rire jaune, et franchement, celui-là, faut le voir aussi, vraiment conseil, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est le jeu d'acteur, en plus, il est, notamment du président, là, Terry Crews, il est trop fort. Il est génial, il a des dreadlocks, enfin, il est complètement... Ah, il a les cheveux longs et lisses. Oui, longs et lisses, j'avais noté des dreadlocks, mais peut-être que... Oui, il est complètement farfelu. Enfin, c'est déjà Terry Crews, le mec en lui-même, quand on le voit, c'est lui qui présente notamment American Gods Talent, par exemple. Mm. C'est un espèce de gros black hyper baraque. C'est un ancien joueur de foot américain, je crois, qui joue aussi dans Expandable, d'ailleurs. Donc, pour donner l'idée de la masse musculaire de la bestiole. Et là, bah, il est président des États-Unis, quoi. Ouais. Ah ouais, non, franchement... c'est assez inquiétant, moi, ça fait réfléchir, en fait. On se dit, bah, en fait, on n'est pas si loin de ça, quand on voit ce qui se passe actuellement. Mmh. Voilà, voilà. Et bah, maintenant, on va enchaîner avec les deux derniers, donc qui sont les deux plus durs. Et évidemment, oui, vous aurez noté que Sixties a beaucoup parlé depuis le début, bah, c'est moi qui ai choisi les deux derniers. Mmh. Et alors, je vous ai gâté. Franchement, je vais vous faire plaisir. Et puis, si je vous fais pas plaisir à vous, je me fais plaisir à moi, de toute façon. Allez, on attaque avec l'avant-dernier. Alors du coup, je vais vous donner un petit indice. Qu'est-ce que je pourrais donner avec celui-là ? Fallait pas qu'il enlève son casque. We'll be right back. Voilà, alors j'espère que cette fois vous aurez reconnu le Judge Dredd avec Sly. Alors j'ai... pourquoi celui-là précisément ? Alors déjà j'adore la musique d'Alan Silvestri, je la trouve vraiment très très bien. Elle est à la fois épique et... bah, un peu comme Robocop tiens, d'ailleurs, elle est épique, elle est grandiloquente, elle est vraiment bah, tout ce que n'est pas le film, tout ce que le film voudrait être mais n'arrive pas à faire. Donc bah, dommage, si le film était à l'image de la musique, il serait vraiment réussi, mais c'est pas le cas. Alors, on pourrait accuser, bien sûr, Stallone d'en faire un peu trop et d'enlever son casque, et que Judge Dredd n'enlève pas son casque, mais c'est peut-être pas le seul responsable, quand même. Hein. Peut-être aussi que le réalisateur Danny Cannon est mauvais, hein, je crois qu'on peut le dire maintenant, et peut-être aussi que son sidekick est vraiment une très, très, très putain de mauvaise idée. Sinon, bah, Judge Dredd, moi, ça me fait rire quand même. Hein. C'est... dans tous ses défauts, on est quand même sur un film de Stallone, qui est à la limite du nanar sans être un navet, parce que des navets, il en a fait quelques-uns sur sa fin, enfin, sur son creux de carrière, on va pas se mentir, Stallone a quand même pas mal bidé, et celui-là, c'était peut-être le début de la fin, d'ailleurs, mais il a le côté tellement généreux et tellement investi de Sly qu'on est vraiment, on est plus sur un film qui va se regarder avec un certain plaisir nanar 2 que sur un gros navet où on va se faire chier. Je mets au défi tous ceux qui disent que ce Judge Dredd est mauvais, de le regarder et de dire, putain, je me suis fait chier. En vrai, c'est pas possible. Il y a tellement de trucs stupides dedans, ou même qui fonctionnent quand même, malgré tout, on s'ennuie pas. Après, ça vaut pas le dernier Dredd avec Karl Urban, qui est vraiment excellent, mais c'est quand même un bon moment à passer. Je crois que je te l'ai pas infligé, celui-là, Sixties. Hein. Non, pas encore. Non, ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé. Tu m'as infligé le cobaye la dernière fois. Ah, t'as choisi. T'as rien à dire, t'as choisi. Du coup, ok, dans la liste, il y avait beaucoup de merde. Mais celui-là, ah ouais, tu l'as là, choisi. Là, franchement, je l'ai choisi, c'est vrai, j'avoue. Et oui, alors du coup, par rapport à la musique, si je peux dire un petit truc, parce que... Oui, par vas-y, rapport... parce que la musique, on les a écoutés. Mais quand même. C'est ce que j'ai noté aussi, c'est hyper... ça fait épopée, c'est hyper grand, c'est... Voilà, on est dans le grand, quoi. C'est, ouais. C'est assez... c'est vaste, enfin, on sent le c'est ça, c'est profond, grand et vaste, quoi. Et pour le coup, ça ne colle pas du tout avec l'univers de Judge Dredd, qui est au contraire poisseux et surpeuplé, parce que les mégacités sont surpeuplées, il y a vraiment des problèmes de surpopulation, d'entassement de la population, de pauvreté. Et en fait, la musique s'en branle. La musique, elle est grandiloquente, tu vois des grands espaces, tu vois des trucs grandioses, et en fait, non, les gens sont entassés les uns sur les autres, ils bouffent de la merde industrielle, et ils s'entretuent. Mais justement, ouais, c'est peut-être, quelquefois, justement, c'est le contraste, comme on voudrait faire ça dans le visuel, parce que moi, pour le coup, c'est plus... enfin, je suis dans le visuel, mais effectivement, dans la musique, c'est pareil, en fait, c'est le contre-coup. Oui, c'est un contrepoids, mais c'est vrai que ce contrepoids pourrait marcher si le réalisateur derrière savait ce qu'il faisait. Mmh. Et c'était peut-être pas le cas. Voilà. Et en parlant de réalisateurs qui ne savent pas ce qu'ils font, alors là, on va attaquer la dernière musique. Alors, je ne donne même pas d'indice, mais j'ai un peu pitché pour vos oreilles, il est très court. Voilà, j'espère que vos oreilles ne saignent pas trop. On vient d'écouter un morceau de la BO de Beowulf avec Totof, qui a été réalisé par Graham Baker et qui ne fera que ça. On le remercie. Si s'en était passé, ça aurait pas été mal non plus, mais enfin bon, on peut pas tout faire. Et on doit la BO à quelqu'un qui s'appelle Jonathan Sloat. Alors lui, jetez pas des tomates pas mûres, il y est pour rien. Enfin, si, il y est pour quelque chose, mais il y aurait pas eu le film, il y aurait pas eu de BO en tout cas. Et je crois que lui non plus n'a pas fait de BO après ça, et on le remercie aussi pour ça. Alors Beowulf, c'est une relecture du poème épique du 9e ou 10e siècle, je crois, mais version techno-futuriste avec Totof qui fait des sauts périlleux partout, et un gros monstre en CGI dégueulasse en plein milieu. Et des hommes en armure aussi qui ont des casques sans visière. Alors va falloir m'expliquer comment ils font pour voir où ils vont, mais en même temps je crois qu'ils s'en branlent. Donc... Ah oui, merde, je devais vous vendre le film. Totof, cabriole, musique pourrie... Tu me l'as pas encore infligé non plus, celui-là ? Non, j'ai déjà infligé au corbeau, par contre. et je suis même pas désolé. Tiens, si t'écoutes le corbeau, je suis pas désolé du tout. Non, je ne te l'ai pas infligé. Et à vrai dire, je ne l'infligerai à personne. Et sauf le corbeau, quoi, le pauvre. Ah oui, mais en même temps, il m'a infligé quoi, ce con ? Ah, Bloody Mallory. Je suis désolé, je préfère Beowulf à Bloody Mallory. Mais, ouais, toute blague mise à part, ouais, non, je ne saurais pas vous conseiller ce Beowulf, sauf si vous avez vraiment, vraiment très envie de rigoler avec un film vraiment très pourri. Et si vous aimez vraiment, vraiment Christophe Lambert. Oui, c'est vrai, moi j'aime bien Christophe Lambert. J'ai aussi ce parti pris-là que j'aime bien Totoff. La preuve, j'avais même bien aimé Résurrection, qui était pourtant pas terrible. Et Highlander. Oui, mais Highlander, c'est bien. Oui, la musique est bien. Non, mais le film aussi. Non, mais quand on voit le reste de la carrière de Totoff, je suis désolé, Highlander, c'est très bien. Bah moi, pour le coup, j'aime pas Christophe Lambert. Voilà, c'est comme ça, hein. Ah oui, non, mais c'est peut-être physique, j'en sais rien, mais dès que je le vois, j'ai pas envie de le regarder. C'est comme toi avec Romain Duris, quoi, c'est pareil, tu vois. Il y a un blocage, je sais pas. Oui, sauf que Romain Duris, je sais pourquoi. Mais oui, non, c'est difficile de défendre Beowulf. On dirait que Totoff a été un peu frustré de ne pas faire vraiment les combats du film Mortal Kombat. Il se contente de ricaner et d'avoir des éclairs dans les yeux. Et qui s'est dit, tiens, et si je le faisais moi-même avec des combats et des pirouettes partout ? Mais ça est filmé par un manche, réalisé par un manche, et puis bon, bah Totoff, il pourra faire ce qu'il veut, mais... Bah, c'est ça, je crois que le problème, c'est qu'il joue comme un manche, et il est absolument pas crédible pour moi. Mais... Alors, les scènes où il joue, c'est pas crédible, mais alors les scènes où il fait des pirouettes, c'est encore pire. C'est un petit peu pareil que, bah tu vois, si on ramenait à aujourd'hui, c'est Stéphane Bern dans son... Ah oui, c'est on ça On est d'accord, hein. Le film avec Stéphane Bern, qui est militaire de carrière ou je sais pas quoi, c'est exactement le même degré de connerie, c'est exactement le même genre exactement. De contrepoint. Exactement, c'est genre t'es pas à ta place, quoi. Enfin, il y a un truc qui va pas. Ouais, à la différence de Stéphane Bern, Christophe Lambert a fait beaucoup de films d'action, en fait. Mais oui, en fait, c'est ça le pire, c'est que lui, c'est vraiment son métier, alors que Stéphane Bern, il est pas acteur. Non, on va dire que Christophe Lambert, c'est un bon acteur, mais c'est pas un acteur de films d'action, c'est ça le problème. Et c'est pas lui qui jouait dans Vidocq aussi Ah non, Vidocq, c'est Depardieu et Guillaume Canet, mais c'est aussi. Ah, c'est Guillaume Canet. En fait, j'ai tellement détesté Vidocq, il m'a tellement fait mal aux yeux. Que je croyais qu'il y avait Christophe Lambert dedans, tu vois. Alors pareil, à tout prendre, regardez plutôt Beowulf que Vidocq, hein, quand même. Parce que c'est moche, mais vous n'aurez pas envie Vidocq, de vomir. C'est impossible, voilà, tu as envie de vomir tout le film, quoi. Bon bah voilà, maintenant qu'on a dit du mal de Vidocq et qu'on a presque réhabilité Beowulf, si on fait un effort, ça passe. On était quand même dans l'anticipation là, mais on est un peu... Alors oui, parce que ça se passe, normalement c'est un poème épique, mais là ça se passe dans un futur apocalyptique à la Mad Max où il reste plus qu'un château en métal et puis des villageois qui ressemblent à des... Je sais pas, un mélange entre des gueux du Moyen-Âge et puis bah, des gueux de Mad Max, quoi. Et qui exécutent les gens avec une espèce de coupe-chou géant. Il y a des gueux dans Mad Max ? Dans Mad Max, pardon ? Il y a des gueux dans Mad Max ? Bah, dans Mad Max, c'est tous des gueux, au final. Ouais. Enfin bon, voilà, bref. En tout cas, on va arrêter là le débat. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous jusqu'à Beowulf. On espère. Et que vous en passerez d'autres avec nous. J'espère que vous avez eu des 10 sur 10, ou... Au moins 8 sur 10, ce serait pas mal. Partagez-nous vos scores. Voilà, n'hésitez pas à partager vos scores sur les réseaux. N'hésitez pas à venir sur le Discord du label Galaxy Pop, pardon, bien sûr. Le Discord de Galaxy Pop, donc, pour venir donner votre avis et vos scores. Ou alors nous les donner sur Twitter. Sur ce, on va se retrouver le mois prochain et on va parler de séries télé, histoire de changer un petit peu. Et on vous souhaite de passer de bons mois et on se retrouve dans 2 mois. Salut à tous. Salut. Vous aimez avoir peur ? Vous recherchez ce délicieux frisson qui vous parcourt le corps lorsque l'effroi vous saisit ? Alors venez dans les catacombes du vaisseau Galaxy Pop tous les 2 mois et laissez-nous vous raconter une histoire. Écoutez les potes de la crypte et savourez les frissons de l'angoisse. Le monde vous semble gris et fade ?